La délégation du Parti populaire révolutionnaire de Mongolie en visite en Corée a offert un présent au dirigeant suprême Kim Jong-un. Le chef de la délégation, Eledene Zamian, secrétaire général de ce parti, l'a transmis le 16 courant à Lee Soo-yeon, membre du bureau politique et vice-président du comité central du Parti du Travail de Corée.